que Jonathan Batenguinim. Il est donc clair que la France, qui a d'ailleurs des bases militaires du côté du Tchad, mais est-ce que avoir une base militaire vous donne véritablement tout le loisir de vous déployer à votre guise, mais surtout les choix stratégiques comme c'est le cas avec Gorée? Le grand frère patient parfait a planté le décor quant à ce qui est de la position du président Mahamat. Il est affaibli, il n'a pas une bonne maîtrise de son pays. Aujourd'hui, il y a des batailles de clans autour de lui qui sont telles que les clans les plus puissants sont les clans france-africains qui se bagarrent avec les clans états-unis et qui ont imposé un timing à N'Djamena. Si bien que le président Mahamat n'est même pas l'arbitre de ces batailles. Il est juste un élément carrefour de toutes ces batailles, qui peut-être finalement finira par ne plus être nécessaire, parce que quand les différents clans vont parvenir à un consensus ou bien vont parvenir à une bataille beaucoup plus rude, ils risquent de trouver eux-mêmes leur point d'équilibre. Alors, au niveau de N'Djamena, il y a une absence de contrôle du pays, une absence de contrôle de la politique sécuritaire du pays véritablement. La France, qui a tout fait d'intimider le général Mahamat en le plaçant au pouvoir et en combattant, en participant à la guerre contre la rébellion, a mis dans les dispositifs sécuritaires plusieurs personnes qui répondent directement de Paris. Vous avez suivi tout à l'heure avec le grand frère Jules, vous a expliqué comment un général est allé proférer des menaces, non pas en disant que le droit de poursuite allait viser simplement les derniers retranchements des terroristes, des mercenaires sur le territoire centrafricain. Il dit jusqu'à Bangui. Ça veut dire qu'en fait, c'est une déclaration de guerre voilée. Qui veut donner l'impression que c'est Bangui qui soutiendrait ces groupes rebelles. Au fond, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, on a dépassé ce stade. On a un stade où la France constate que la CPC n'est pas en capacité d'affronter l'armée régulière du Centrafrique et ses partenaires. La France constate que ses mercenaires sur le terrain n'ont plus la possibilité de faire feu avec cette armée qui est montée en puissance. Et qu'est-ce que la France fait? La France veut nous servir un Abidjan bis. Qu'est-ce qui s'était passé à Abidjan? Lorsque en face, les forces spéciales ivoiriennes, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. À l'époque, il y avait, je crois, le grand frère Patient Parfait, ils avaient un général de gendarmerie qui commandait les forces spéciales ivoiriennes. Et ce monsieur avait mené de main de fer la résistance d'Abidjan face aux rebelles des forces nouvelles. Et parce que les rebelles n'arrivaient pas à pénétrer Abidjan à cause des forces spéciales, la France a engagé directement son armée avec ses hélicoptères Puma qu'elle a déployés et ont attaqué les bases des forces spéciales, ont détruit le matériel des forces spéciales ivoiriennes, ce qui a libéré le passage aux rebelles des forces nouvelles et à l'armée française qui a finalement pénétré le dispositif de sécurité ivoirien et aller jusqu'à la présidence. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut créer un corridor sécurisé aux terroristes de la CPC. Et la France veut jouer encore ce rôle. C'est un Abidjan bis qui veut nous être servi. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la peine. On ne va pas beaucoup analyser. Il faut que, parce que quand c'est les armes, il faut qu'on leur dise clairement. Si la France veut une guerre avec l'Afrique, ils n'ont qu'à commencer. Ce n'est pas une guerre avec le Centrafrique. On a dépassé ce stade. Ce n'est pas une guerre avec le Centrafrique. La France va déclarer la guerre à l'Afrique. Les vidéos qui sont arrivées, si j'étais un général français, je me poserais beaucoup de questions. Les vidéos ne sont pas arrivées par un professionnel. Qui regarde? C'est un téléphone. Ça, c'est un téléphone. C'est des images amateurs. C'est l'engagement des populations africaines. Nous disons à la France que nous avons des personnes partout en Afrique. Nous sommes les Africains dont les propriétaires de tous ces territoires. Ici, les images, d'après ceux qui les ont envoyées, les images ont été filmées dans la ville de Mundu. Ici, c'est Mundu, la ville, c'est Mundu. Ça veut dire que quand les Français sont sortis de leur camp, c'est les populations qui ont repéré le mouvement des militaires français. Et c'est eux, c'est ces populations qui ont filmé. Ça veut dire que même la base militaire de Mundu n'est pas en sécurité. Qu'ils le sachent déjà. Nous, les Africains, nous sommes capables d'entrer là-bas et les chasser. Là, à Mundu, voilà les images. Et vous allez voir les images de Gorée. Les populations vont encore filmer à Gorée. Et c'est ces populations dans la vigilance collective. Et nous saluons le courage de tous ces braves combattants panafricanistes qui sont là-bas au Tchad. Nous leur demandons de faire encore d'autres vidéos, de montrer comment les soldats français sont dans les rues. Filmez-les. C'est notre force. Si la France veut faire la guerre à l'Afrique, qu'elle voie d'abord, nous avons des alliés partout sur le continent. C'est fini l'époque où ils ont tué les Oumiobé, c'était dans la forêt, il y avait quelques traites, il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas les... C'est fini cette époque. Aujourd'hui, rien ne se verra plus en catimini. Si la France veut faire une guerre à l'Afrique, la France n'a qu'à ouvrir le premier coup de feu. Eh bien, nous, Africains, nous prendrons nos responsabilités. Nous n'avons plus peur de la France. La France ne fait plus peur. La France n'est pas sur son territoire en Afrique. C'est penser qu'avec les dirigeants français, ils doivent savoir que c'est révolu. Nous n'en sommes plus au niveau où, parce qu'ils vont déployer quelques... Vous avez dit, lourdement armés, c'est quoi? C'est combien de véhicules? Une centaine de véhicules, c'est ça, lourdement armés. Nous sommes des millions d'Africains. Ces véhicules-là peuvent être neutralisés par les populations africaines. Qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous avons cette capacité de neutraliser cette force. Et si la France tire son premier coup de feu, ça va s'embraser jusqu'à N'Djamena. La base militaire française de N'Djamena va quitter l'Afrique. Et les Français vont fuir N'Djamena comme les États-Unis ont fui l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y aura leurs employés qui vont courir après les avions pendant que c'est en train de décoller pour fuir. C'est comme ça qu'ils vont fuir. Que les Français le sachent. Nous avons pendant longtemps supporté leur volonté de s'imposer par la violence, la lâcheté, la criminalité. Et nous avons beaucoup souffert de leur pillage, de leur banditisme et de toutes les pratiques malveillantes qu'ils ont imposées dans le jeu politique africain. Aujourd'hui, le combat dans lequel nous sommes est encore un combat d'élégance. C'est-à-dire que nous leur demandons de partir. Tout simplement, ils sont partis de N'Djamena. Il n'y a eu aucun coup de feu. Et au lieu de partir de N'Djamena, on leur dit qui justifie un tel déploiement. C'est une force qui vient parce que, souvenons-nous, l'avion qui avait décollé, qui est venu bombarder l'usine qui devait transformer l'usine de coton. À Bossangoa. C'est un avion qui a décollé de Gorée. Et nous disions à cette époque que c'est un avion qui a été piloté par des gens qui sont super bien entraînés. Parce que voler à basse altitude, là où les radars ne vont pas vous repérer, c'est une affaire de professionnels. Donc c'est les Français qui ont fait cela. C'est à mettre sur leur dos. C'est les Français. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la filière coton est un potentiel vivier d'emploi pour les jeunes centrafricains. On parle de près d'un million d'emplois qui peuvent être créés dans la filière coton. Or, le Centrafrique, c'est 5 millions d'habitants. Pour plus d'un million de kilomètres carrés, quand le grand frère Patient Parfait, on parle de 35 millions d'Africains qui iraient vivre dans 1 million de kilomètres carrés. C'est petit. La France, c'est 600 000 kilomètres carrés pour plus de 60 millions d'habitants. Plus de 80 millions d'habitants. Donc, avec 35 millions d'Africains, c'est petit. Mais on comprend que le Centrafrique devra faire un effort considérable pour que son boom démographique s'accentue. Pour l'instant, il faut beaucoup de main d'œuvre au Centrafrique pour construire le Centrafrique. D'accord. Afrique Média, le monde, c'est nous.